Chapitre 23e, plan de campagne. Bellegarde, comme à son habitude, le rejoint peu après. Bellegarde, pourriez-vous vous faire communiquer une copie du dossier d'Accroux ? En utilisant mes connexions, cela ne devrait pas être trop difficile. Merci. Dans le même temps, je voudrais reconvoquer les époux d'Accroux, car j'ai une petite question à leur poser. Ah, puis j'y pense. On met les Tournelles sous surveillance. Vous avez obtenu l'autorisation ? Dit Bellegarde éberlué. Oui. Quand on le pratique, Viard se révèle moins obtus qu'il y paraît. Si vous le dites. Dutilleul sentit bien que son subordonné n'était pas convaincu. Aussi s'empressa-t-il d'ajouter. Il nous le faut dans notre camp, Bellegarde. Car je crains que cette fois nous ne puissions nous passer de son soutien. Vous savez comme moi ce que cela veut dire. Vous lui avez parlé du club 23 ? Non. Le moment n'est pas encore venu. Il m'aurait ri au nez. Et je n'aurais jamais rien obtenu. Il faut bien reconnaître que tout cela est encore très mince. Au fait, il faudra vous passer de Girardin pour la surveillance des Tournelles. Cela pose-t-il un problème ? Pas franchement parlé. Ce n'est pas tout à fait son rayon, même s'il a fait ses preuves dans le passé. Alors c'est très bien, car je comptais le mettre sur l'affaire Pradier. Bellegarde considéra Dutilleul, surpris. Alors vous ne laissez pas tomber ? Non, Bellegarde, je ne laisse pas tomber. Ne me demandez pas pourquoi, car je n'en sais fichtrement rien. Là aussi, j'ai le sentiment diffus qu'il faut continuer, car tout n'a pas été exploité. Si seulement on pouvait retrouver les parents. C'est exactement la mission que je viens d'assigner à Girardin. Lui seul est capable de me les dénicher. Pourquoi ne pas faire discrètement appel à la presse ? L'affaire est peut-être ancienne, mais ça risquerait d'éveiller les suspicions au risque d'effaroucher le gibier. Autre point à ne pas négliger, l'affaire est prescrite. Pourquoi continuer dans ce cas ? Pour Morand, Bellegarde. Tout simplement pour Morand. J'ai bien vu combien cela le minait de ne pas être arrivé au bout. Si c'est une affaire d'amitié, là je comprends. C'est très chouette ce que vous faites là, chef. Bien peu se comporteraient comme vous. C'est parce que je sais que Morand en aurait fait autant, s'il en avait eu l'occasion. Rappelez-vous que nous avons toujours pu compter sur lui. Ça, c'est vrai alors. Il avait toujours de bonnes idées. Bon. Pour en revenir à la surveillance des Tournelles, je peux utiliser Lemurier et Gendrelle. Faites bien attention avec Gendrelle, Bellegarde. Il ne me semble pas posséder toute l'expérience requise. Oh, mais je compte bien le chaperonner. Quoi ? Vous n'allez pas encore jouer les nounous à votre âge. Puis Marguerite. Marguerite ne dira rien. Elle est chez sa sœur, alors. Dutilleul sourit. Vous êtes en garçon et vous vous ennuyez. Vous auriez pu le dire plus tôt. J'aurais pu organiser quelque chose. Made n'aurait rien dit. Non, non, ne vous faites aucun souci pour moi. Peut-être qu'une fois, vous pourriez partir chez votre belle-sœur. Dutilleul adorait taquiner Bellegarde sur le sujet. Il savait parfaitement que ladite belle-sœur était l'une des très rares personnes, voire peut-être l'unique, que Bellegarde ne pouvait vraiment pas souffrir. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé. Jean-Baptiste Girardin ne descendit pas à l'auberge de la Vieille Fontaine. Il loua un petit studio meublé pour un mois et se mit immédiatement au travail. Il retourna à la maison des Plantier et tenta, mais sans grand succès, d'interroger les voisins. Certes, certaines personnes se souvenaient encore vaguement de l'affaire, mais il y avait eu beaucoup de mouvements. Pourtant, le troisième jour, il déterra un élément de poids. La grand-mère, une certaine Monique Plantier, vivait toujours dans la région et, mieux encore, il obtint très facilement son adresse. Fidèle à ses habitudes, il se rendit immédiatement sur place et trouva porte joliment close. Il ne désarma pas pour autant et commença à interroger méthodiquement les voisins et put ainsi recueillir quelques éléments. Monique Plantier était une personne sans histoire, très indépendante, qui avait énormément souffert de l'affaire, même si elle ne s'était guère confiée à l'époque. Une certaine Mireille Bompard compléta le tableau tout en lui servant, outre un excellent café, une solide part de clafoutis. À la vue de la croûte bien dorée, Girardin décida d'oublier un instant son tour de taille. C'est comme si tout cela avait ébranlé le peu de confiance qu'elle avait dans les autres. J'avais l'impression qu'elle n'osait tout simplement pas en parler. Vous aviez déjà vu les enfants ? Non, elle ne les a jamais gardés chez elle. Vous ne trouviez pas cela étrange ? Pas vraiment. De toute façon, je ne l'ai jamais sentie très maternelle. Puis la maison des parents n'était pas loin, alors elle ne jugeait peut-être pas utile de les accueillir. Est-ce qu'elle parlait d'eux ? Rarement, très rarement. En revanche, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous en apprendre davantage. L'oreille de Girardin se tendit immédiatement. Eh bien, si cela peut vous aider, je suis resté en contact avec une très jeune institutrice, Sylviane Goulard. Naturellement, aujourd'hui, elle est mariée, mais elle pourra certainement vous renseigner. Elle habite en région parisienne, dans le 91. Je ne sais pas bien où c'est, car je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Il s'agit du département de l'Essonne, dit Jean-Baptiste Girardin avec bonté. Mireille Bompard parut sensible à ce complément d'information, puisqu'elle s'éclaira soudain. « Oui, c'est ça. Elle habite Corbeil-Essonne. Elle s'appelle maintenant Guyot et a deux beaux enfants. »« Comment l'avez-vous rencontrée ?» demanda gentiment Jean-Baptiste Girardin. « Eh bien, quand elle est venue s'installer par ici, nous lui avons loué un petit studio dont elle a pris le plus grand soin. Elle était vraiment gentille et certainement très capable. » En fait, rapidement, elle est devenue un peu comme une troisième fille. Je crois qu'elle n'avait que très peu de famille. Elle était issue d'un milieu modeste, ça, nous l'avons compris très vite. Cependant, croyez-moi, elle n'a jamais eu le moindre retard dans le règlement de son loyer. Ce que nous avons beaucoup apprécié, mon mari et moi, c'est qu'elle s'assurait toujours qu'on ne manquait de rien. Elle nous faisait sans cesse de petites commissions. Oh, rien de bien important, mais tout de même... Comprenez, elle n'était pas obligée, mais elle le faisait quand même. Puis, elle aimait les enfants. Elle savait s'y prendre avec eux. C'était comme un don. Ils écoutaient. À l'époque, elle s'est beaucoup occupée de Léa, l'aînée de mes petites filles. Je crois que nous la gâtions un peu trop à l'époque, et très vite, elle est devenue un peu capricieuse. Sylviane savait toujours rétablir l'équilibre sans s'imposer pour autant. Elle a très bien conseillé ma fille, qui, je crois, était un peu perdue. Pour cela, c'était facile, car elle avait 5 ans plus. Malgré les années, elle vient toujours nous voir l'été. Ce serait formidable si vous aviez son adresse. Oh, naturellement, j'ai même son téléphone, si cela peut vous être utile. Je n'osais vous le demander. Quant à Monique Plantier, elle, c'est différent. Nous ne sommes pas proches, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'elle est en voyage parce qu'elle est partie avec de grosses valises, mais vous dire où ? Quelqu'un relève peut-être son courrier. Non, elle est en poste restante. J'ignore bien pourquoi. S'il fut un peu déçu, Jean-Baptiste Girardin n'en montra rien pour autant, car la récolte se révélait plutôt bonne. Aussi se laissait-il resservir largement de clafoutis. Il décida qu'il l'avait bien mérité. Une fois de plus, Dutilleul n'avait qu'à se réjouir de l'excellent travail de Girardin, qu'il trouvait simplement incroyable. En moins d'une semaine, il avait déterré une piste, et tout cela autour d'un morceau de gâteau. L'adresse de Corbeil-Essonne étant toujours d'actualité, il ne fut pas difficile de trouver Sylviane Guyot, et encore moins de la convaincre de ses penchés. Oui, Sylviane Guyot en avait gros sur le cœur. Même après toutes ces années, l'émotion était toujours si forte. Souvent, Dutilleul la sentit au bord de la rupture, mais il admira son contrôle qui fit que le barrage ne céda pas. Il lui en fut très reconnaissant, car ces situations étaient toujours très embarrassantes à gérer. Sylviane Guyot était une assez jolie femme, pas très grande, mais qui avait conservé, grâce à des cheveux coupés assez courts, un côté juvénile alors même qu'elle approchait à grands pas de la cinquantaine. Le jean et les baskets lui donnaient une allure décontractée, en parfaite opposition avec ce qu'elle devait ressentir. Avec elle, Dutilleul choisit de ne pas louvoyer, car il sentait que ce serait une grosse erreur de procéder ainsi. Sylviane Guyot était quelqu'un de direct, qui devait sans doute souhaiter en finir le plus vite possible. « Madame Guyot, si je vous ai convoqué, c'est que j'ai besoin de faire appel à vos souvenirs. » Sylviane Guyot le regarda, visiblement surprise. « Je ne vois pas vraiment en quoi. » Loïc et Sandrine Plantier. Sylviane Guyot se tassa légèrement sur sa chaise. Visiblement, le coup avait porté. Mais Dutilleul se devait de continuer. Pourtant, elle n'adopta pas une attitude défensive, ce qui laissait une porte ouverte. « Je sais que vous ne les aimiez guère, du moins si j'en crois Madame Le Rouge. Vous lui avez parlé ? Effectivement, je l'ai vue. Elle ne doit pas avoir loin de 80 ans maintenant, mais elle doit toujours posséder sa très bonne mémoire. Pourtant, ce n'est pas elle qui nous a communiqué votre adresse. Un de mes enquêteurs a rencontré Madame Bompard. Ah, ainsi je comprends mieux. Mireille est une excellente personne et, rassurez-vous, nous ne l'avons importunée en rien. Mais si on pouvait en revenir aux enfants plantiers, pourquoi ? C'est du passé, et cela ne ramènera pas la jeune fille. Pourquoi ne les aimiez-vous pas ? C'est que... C'est quelque chose que j'ai encore du mal à m'expliquer aujourd'hui. Loïc m'agaçait prodigieusement. Il se croyait supérieur, au-dessus du lot. C'était extrêmement désagréable. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il crânait. Simplement, il ne se mêlait pas aux autres, toujours collé à sa sœur. Il y avait quelque chose de froid et de méprisant chez lui, complètement en décalage avec les parents. La mère était vraiment une personne très bien. Vous l'avez rencontrée ? Naturellement. Son fils ne fichant absolument rien, il a bien fallu que je finisse par la convoquer à un moment. Elle paraissait si désolée. Ce n'était pas du cinéma. Elle se sentait vraiment concernée, même si cela n'a absolument rien changé. Comprenez-moi bien, Loïc n'en faisait déjà qu'à sa tête, et il n'avait que 8 ans. Il m'est arrivé d'être franchement inquiète pour la suite. Il avait peut-être des difficultés. Vous plaisantez ? Je pense au contraire qu'il n'en avait aucune. En fait, il n'avait pas de bataille à livrer, car on l'avait placé d'entrée sur un piédestal. Je crois que la plus grosse erreur a été commise là. Les parents ne lui demandaient rien. À ce que j'ai compris, le père avait une très belle situation et la mère avait également du bien. Alors pourquoi se fatiguer ? À mon avis, Loïc a très vite compris tout le parti qu'il pouvait tirer de la situation. C'est-à-dire ? Qu'il était absolument inutile de faire le moindre effort puisque papa paierait toujours pour lui, du moment qu'il se tenait tranquille. Il était calme. Pour cela, oui. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vu Loïc prendre part à la moindre bagarre ou dispute, même si je suis sûr qu'il aurait défendu sa sœur à la plus petite offense. Ce qui ne s'est pas produit puisqu'il se tenait à l'abri de tout contact. Il vivait dans un monde parfaitement hermétique. Il n'avait donc pas d'amis ? Je ne l'en ai jamais vu. Était-il inscrit à la cantine ? Il ne me semble pas. Je crois me souvenir que leur mère ne travaillait pas. Après votre entrevue avec la maman, avez-vous observé un quelconque changement ? Non, je vous l'ai dit. Il y avait toujours cette désespérante absence de travail chez Loïc. Avez-vous tenté de vous rapprocher de lui ? Eh bien, je dois reconnaître, je sais que j'aurais dû, mais je n'ai pas pu. Il y avait quelque chose dans son regard qui me stoppait net, un froid glacial, un avertissement sans phare qui a fait que peu à peu j'ai laissé tomber. J'ai bel et bien laissé tomber. Il vous faisait peur ? Je ne l'ai pas analysé ainsi à l'époque, mais je crois que oui. Qu'en était-il de Sandrine ? Oh, elle, je ne l'ai pas connue vraiment. Je crois bien qu'elle était encore pire. Elle avait quelque chose de sournois, de méchant, très capricieuse aussi. Je me souviens qu'elle pleurait pour un rien. Elle savait très bien manœuvrer son frère. Vous avez été surprise par l'accident ? Vous voulez vraiment le savoir ? Oui, j'aimerais assez. Eh bien, non. Je sais que c'est affreux à dire, mais je me suis beaucoup interrogé à leur sujet. Pourquoi ? Parce que j'avais ce sentiment bizarre. À mes yeux, la fille avait été comme sacrifiée. Que pensez-vous de ceci ? Dit Dutilleul en exhumant le cahier de Loïc. Sylviane Guyot mania le cahier avec précaution, comme Dutilleul l'avait fait lui-même. Elle s'arrêta sur la même page. C'est incroyable, presque incompréhensible. J'ai toujours dit que cet enfant avait des capacités. C'est très bien écrit, il n'y a aucune faute. Très dissonant par rapport à l'ensemble. Pas du tout dans son genre, pour tout dire. D'ailleurs, dès le jour suivant, un dé en calcul, parce qu'il ne prend même pas la peine de finir l'exercice. Pourquoi souhaitiez-vous que les enfants soient vus par un psychologue ? Je pense vous l'avoir expliqué. Tout cela était si étrange. J'ai vu nombre d'enfants rester dans leur coin, même si j'ai toujours trouvé que c'était révélateur, de petits ou gros bobos. Bien sûr, il y a toujours les solitaires, ceux dont c'est dans la nature profonde. Sandrine et Loïc n'appartenaient pas à cette catégorie. Ils avaient une relation totalement fusionnelle, presque malsaine. Le plus grave, c'est que personne n'a semblé en prendre conscience à l'époque. C'est pourquoi, lorsque l'accident est arrivé, continuez. Écoutez, je sais que ce que je vais vous dire va sans doute vous paraître invraisemblable. J'ai pensé, et je pense toujours, que quand la fille est morte, ils se sont retrouvés comme débarrassés de la gêneuse. Qu'est-ce qui vous a amené à penser cela? Eh bien, tout. J'ai eu l'occasion de les observer à de nombreuses reprises. Ils ne supportaient tout simplement pas la moindre intrusion. C'est un fait dont je suis sûr. Loïc me le faisait suffisamment sentir en classe. Il me regardait toujours sans ciller. Quand j'osais l'interroger, que quelque part je faisais valoir mes droits, j'obtenais systématiquement une réponse à côté de la plaque. J'étais systématiquement tourné en ridicule. C'est comme s'il me faisait comprendre que je l'avais cherché. D'ailleurs, malgré l'incongruité totale des réponses, personne n'osait relever. Pensez-vous que les autres enfants partageaient votre peur? Comment en aurait-il pu être autrement? Loïc avait de quoi intimider. De quelle façon? Tout d'abord, il était beaucoup plus grand que les autres. Bien sûr, s'il avait figuré sur la photo de classe, vous auriez compris. J'ai vérifié, il n'y est pas. Pas plus que l'année précédente, d'ailleurs. Coïncidence des plus curieuses, n'est-ce pas? Cela ne peut pas être dû au hasard. Effectivement, c'est dur à croire. Pour en revenir à ma question, je vais vous répondre. C'était surtout le regard. Tous deux avaient les yeux gris. Il semble que cela venait de l'un des grands-pères. J'avais posé la question à l'époque parce que la nuance était très particulière. Vraiment métallique, pour tout dire, presque choquante. Le regard était toujours dur, dénué d'émotion. Croyez-moi, on comprenait très vite à qui on avait affaire. Autre chose à présent, y avait-il un lapin ou un cochon d'Inde dans la classe? C'est drôle que vous me posiez la question, car effectivement il y avait un lapin nain. Je ne sais plus où nous l'avions récupéré, mais ce dont je me souviens avec précision, c'est que les enfants se battaient pour savoir qui le garderait le week-end, à tel point même que j'avais dû établir une liste pour éviter les conflits. C'est une certaine Hilda qui l'a adoptée à la fin de l'année. Je crois que ce ne fut pas un mauvais choix, car elle en était vraiment tichée et elle en a pris le plus grand soin. Loïc Plantier l'a-t-il gardé, lui, hors de question. Même s'il l'avait proposé, je ne l'aurais jamais laissé le ramener à la maison. Tout d'abord parce que je n'avais pas confiance en lui. Ensuite, parce que j'avais peur qu'il puisse lui faire du mal. Au reste, je ne sais absolument pas pourquoi. C'était plus de l'ordre du ressenti, c'est peut-être idiot, mais c'est ainsi. Connaissiez-vous Mathilde Pradier? Non, je ne l'ai jamais croisée. N'oubliez pas qu'elle était plus jeune que moi. Combien de temps êtes-vous resté dans cette école? Le temps de mon contrat, c'est-à-dire 2 ans. Ensuite, je suis retourné en région parisienne. De toute façon, en dehors de Mireille Bompard, je ne me suis guère lié sur place. Peut-être êtes-vous un peu dur? Non, je ne pense pas. L'affaire Pradier m'avait dégoûté et au fond, je n'avais qu'une envie, quitter les lieux le plus vite possible. Croyez-moi que si j'avais eu l'opportunité de déménager en cours d'année, je ne me serais pas privé de le faire. Vous comprenez donc la décision des Plantiers de changer les enfants d'école? Comment donc? Les gosses étaient en train de devenir des montrés du doigt, ce qui était insupportable pour la maman. Comment ne pas la comprendre? Sa situation devenait intenable. Et une dernière chose, avez-vous évoqué l'affaire avec d'autres personnes? Madame Lerouge nous l'avait formellement interdit. Nous devions nous conduire comme si rien ne s'était passé. Vous pensez bien que ce n'a pas été simple. À l'époque, les cellules de soutien psychologique n'existaient pas. Puis j'étais la Parisienne. Ce qui veut dire? Eh bien que si l'affaire a été évoquée, et je suis sûr que cela a été le cas, j'étais volontairement exclu des débats car je n'étais pas du cru. Je pense, avec le recul, que la chose peut se comprendre, mais j'en ai été très mortifié à l'époque. C'était pour moi un indéniable manque de confiance. Eh bien, il me reste à vous remercier de vous être déplacé. Puis-je à mon tour poser une question? Dutilleul sourit. Si vous voulez. Il y a prescription depuis bien longtemps, alors pourquoi remuer encore tout cela? Il y a effectivement prescription. mais aucune loi n'empêche de vouloir découvrir la vérité, n'est-ce pas ? Sylviane Guyot eut alors le plus ravissant des sourires. « Alors, vous me l'écrirez ? C'est promis. » Dutilleul sortit très songeur de son entretien avec Sylviane Guyot. Une phrase surtout le tracassait. Que quand la fille est morte, il se sont retrouvés comme débarrassés de la gêneuse. Il savait qu'elle avait soigneusement pesé chaque mot avant de les prononcer, ce qui revenait à dire qu'elle avait des doutes très forts sur la thèse du simple accident. Comment en était-elle venue à penser cela? Sans doute la proximité des enfants lui avait-elle donné un autre regard, mais cela n'était pas suffisant. Seulement il avait bien compris qu'elle ne pouvait lui en dire plus. C'est pourquoi il avait clos l'entretien. Il considéra à nouveau le cahier, très songeur.